Bon vendredi à tous et à toutes. Bienvenue à cette édition de La Vie en BD. Raymond Poirier au micro avec vous jusqu'à 18h30 pour parler 9e art. Et ce, alors que du côté d'Angoulême, le festival bat son plein. Bien curieux d'ailleurs de voir cette fin de semaine qui remportera le Grand Prix. Et quels albums seront couronnés lors de cet événement incontournable de la sphère BD-esque? Événement dont on aura d'ailleurs l'occasion de vous reparler au fil des prochaines semaines, notamment l'un de nos collaborateurs, Thomas-Louis Côté, qui est là-bas, qui est sur place à Angoulême. Alors évidemment, dans quelques semaines, on lui donnera le temps de revenir, de faire son bilan, et il nous dressera son bilan de cet événement. Mais ça, c'est pour dans quelques semaines, justement. Ce soir, me demanderez-vous peut-être, ben, de quoi va-t-on parler? Et ben, notamment d'un bel album qui est arrivé l'an dernier chez les libraires. Il s'agit d'une adaptation d'une nouvelle de Nicolas Gogol, une adaptation en BD de sa nouvelle Le Manteau. C'est par Bolloné. Premier album, je crois d'ailleurs, pour cet individu qu'on aura l'occasion de recevoir tout à l'heure pour justement parler de ce travail d'adaptation et de cette fort sympathique résultante. Alors donc, Bolloné un peu plus tard aujourd'hui. Également, Olivier Bérère-Vidal, OBV, sera de passage pour nous parler de son nouveau projet en route vers les lancements qui auront lieu un peu plus tard cette semaine. Il s'agit du livre « Voir, toucher, sentir » dans lequel il s'intéresse à la culture et à la communauté sourde de Québec. Alors, qu'en a-t-il retenu? Eh bien, un portrait de tout ça également plus tard dans l'émission. Aussi de passage, ben, nos chroniqueurs, nos collaborateurs avec leurs commentaires BD. Alors, il y aura Marco Duchesne en fin d'émission et tout à l'heure Anne-Marie Olivier qui seront avec nous. Alors voilà pour aujourd'hui, et sinon quelques clins d'œil également à l'actualité, notamment la BD qui lorgne vers le cinéma. On sait qu'il y a quand même des adaptations de ça et là, de différentes BD qui sont en projet ou qui s'en viennent très bientôt, je pense à Boulet Bill notamment. Eh ben à cette pile, quand même assez imposante du côté européen et américain, si on inclut toute la gamme des comics, manga et autres, eh ben il y a deux autres ouvrages qu'on pourra rajouter, donc peut-être adaptation américaine de la bande dessinée Pyongyang de Guy Delisle, donc quand même nouvelle assez surprenante, intrigante, peut-être un peu stressante également pour certains. Fait, je me demande bien personnellement de quelle manière tout ça peut se transposer du côté cinématographique. Ce serait intéressant quand même de le voir. Cela dit, si c'est bien fait, la question c'est de savoir est-ce que les gens qui ont été engagés ou du moins qui essaient de lancer ce projet-là seraient en mesure de bien le faire. Ça, je vous laisse juge de tout ça. Il s'agit du réalisateur Gore Verbinski qui nous a offert entre autres The Weatherman, Pirates of the Caribbean, Rango et prochainement The Lone Ranger, et ça va être scénarisé par Steve Conrad qui a scénarisé d'ailleurs la plupart des films de Monsieur Verbinski. Alors on met ça dans notre pile de dossiers à suivre. Et autre élément en lien avec le cinéma également, mais cette fois-ci au Québec, en fait, puisqu'il s'agit de Max Film et des éditions d'Argo qui ont annoncé qu'il y aurait possiblement une adaptation cinématographique de la populaire série Philémon, la série phare de Fred qui est née, on s'en rappelle, dans le journal Le Pilote en 1965. Et ben donc, ce serait une trilogie qui serait envisagée, qui regrouperait les 15 albums des aventures poético-absurdes du jeune homme au t-shirt bleu et de son âne gris. Alors, quand même, déjà un projet assez ambitieux. Est-ce que ça fonctionnerait? Dossier à suivre. Ce qu'on dit, c'est que ça sortirait peut-être d'ici 2 ans, donc juste à temps pour les 50 ans de Philémon. Et la réalisation serait puisqu'il s'agit de Max Film, donc serait donnée à des Québécois. Ce serait Julien Demers-Arsenault et Sébastien Deneau qui assuraient donc la réalisation de ces deux ouvrages. Alors voilà, donc plusieurs éléments à attendre sur nos écrans. Et nous, là-dessus, on s'en va en musique. Les extraits musicaux de cette semaine seront issus de l'album First Crush de la formation Saber Pulse. Et on reste évidemment toujours dans les albums qui sont disponibles en téléchargement gratuit. On écoute un premier extrait de cet album, City at Speed. Et donc voilà, extrait de cet album, je le rappelle, First Crush de Saber Pulse, disponible en téléchargement sur Bandcamp. On aura d'autres extraits au cours de l'émission. Et maintenant, on est rejoint au bout du fil par Anne-Marie Olivier. Bonjour. Bonjour, Raymond. Ça va bien? Oui, ça va, merci. Et hier, en fait, d'ailleurs, parenthèse, gros lancement du côté de chez Phylactère avec Rapa Nuit, tome 2 de Michael. Ça s'est bien passé? Très bien passé, oui. On est bien contents, puis ça va être un prochain rendez-vous pour peut-être Promise, donc la prochaine parution de Michael. Alors, partie remise, on aura l'occasion, nous aussi, d'ailleurs, parenthèse double, de lui jaser de ça à l'émission d'ici quelques semaines. Et Anne-Marie, évidemment, t'es avec nous pour partager des commentaires BD, des séries et des albums à thématique guerrier. Il y aura notamment, en fait, une si jolie petite guerre, mais on commence par le dernier Bastien Vivès, La Guerre. Voilà. Donc, La Guerre, c'est le cinquième essai d'une série où Bastien Vivès a déjà exploré les thématiques du jeu vidéo, la famille, l'amour, la blogosphère et bientôt la bande dessinée en 2013. Donc, ce sont des courts sketchs issus de son blog et ce sont des sketchs sociaux avec une vision décalée, très humoristique d'un thème donné. Donc ici, on parle de la guerre, qui est difficile à oublier parce que, bon, on se le fait très souvent rappeler par les médias. Particulièrement. Ici, par exemple, c'est vraiment l'axe de communication qui surprend parce que Bastien Vivès est vraiment un spécialiste pour parler de toutes sortes de sujets, mais d'inclure dans son propos le côté sexuel, même si ça n'a pas du tout rapport, en fait, avec la guerre. Quoique, quand on lit, on comprend. Puis c'est là que tout est le sujet parce qu'on sait, bon, que l'homme agit conscient ou inconscient ou conscient selon ses pulsions sexuelles et Bastien Vivès en ayant l'air de rien ou en déconnant complètement remue des dimensions là assez différentes là, de son sujet. Donc c'est intéressant dans le fond un a priori un sujet qu'on voit beaucoup d'un médium à l'autre mais l'a priori que Vivès lui nous propose dans le fond renouvelle un peu la manière dont on pourrait lire, on pourrait recevoir tout ça. Exactement, c'est revu dans une autre dimension complètement. D'autant plus que Vivès suggère davantage la situation qui ne la dessine en fait, parce que pour les gens qui sont habitués du style de Bastien Vivès, là, on est sur un dessin qui est très différent de ce qu'on peut voir en bande dessinée et particulièrement ces petites chroniques-là. Donc, ce sont quelques coups de pinceau de traits qui définissent en fait la forme, mais on est plus sur une bande dessinée qui parle de propos et puis le tout qui est supporté par des dialogues vraiment très incisifs et percutants. Ce sont de courts sketchs, donc généralement entre 2 et 6 à 7 pages par histoire et donc on couvre très large là en fait le champ de la guerre. C'est très très intéressant. Certains peuvent trouver que c'est peut-être du déconnage en fait, sauf qu'il faut donner à Bastien Vivès son esprit de synthèse qui est assez extraordinaire. Oui, parce que c'est pas donné à tout le monde justement de faire une bonne histoire en 2 pages en voulant quand même bâtir un univers ou quelque chose, donc c'est quand même une contrainte qui est parfois même plus difficile de faire long. C'est pas facile bien faire bref là. Non, c'est ça. Des fois, ça peut paraître en fait que ça a été fait en 2 minutes, peut-être. Sauf que le résultat est que c'est très pertinent à lire, puis ça donne vraiment un autre regard sur ce qu'on est habitué d'entendre sur la guerre, en fait, parce que là, on revient dans le temps aussi. On parle entre autres d'un sketch que j'ai trouvé moi hilarant sur un type qui aimerait faire une guerre comme on en faisait en 14-18 ou en 39-45. Et c'est assez extraordinaire de voir ce type, en fait, qui en a marre des guerres propres, si on peut dire ça comme ça, et qui veut carrément retourner aux tranchées. C'est assez percutant là, en 2013. Là. Alors, à découvrir dans La Guerre de Bastien Vivès. Et Anne-Marie Olivier, le deuxième titre, Une si jolie petite guerre, ça c'est de Marcelino Truong. Oui, c'est publié chez De Noël Graphique. Donc, c'est dans la mouvance, en fait, de ce BD-reportage sur une situation donnée. Ici, on parle de la guerre au Vietnam. On est situé, donc, en 1961, Kennedy est le 35e président. Il est décidé de faire la guerre au communisme en Asie et il va instaurer le projet qui s'appelle Beef Up, qui est destiné à renforcer l'aide militaire américaine au Sud-Vietnam. Donc, c'est dans ce contexte-là que l'auteur, qui est aussi le narrateur un peu de l'histoire, donc l'auteur et sa famille vont arriver à Saigon. Sa mère est française et son père est un Vietnamien qui travaille, qui est un haut fonctionnaire pour le président vietnamien. Mm-hmm. Alors, on suit cet enfant-là qui est vraiment fasciné par l'armement lourd qui est débarqué par les gros porteurs américains, par la multiplication des attentats, des coups d'État. Et c'est vraiment un regard d'enfant qu'on va poser sur cette guerre, donc d'où le titre, une si jolie petite guerre, en fait, pour lui qui ressemble un peu à un jeu. OK, donc un regard emprunte la naïveté qu'on associe à l'enfance, là. Oui, exactement, parce que bon, on voit, c'est sûr qu'on n'est pas à l'époque des jeux vidéo, mais on voit un enfant qui voit pour la première fois de sa vie des soldats, des rangers, des gros habits, des armes, de l'armement lourd, en fait. Ça impressionne. C'est très impressionnant, voilà. Et ce qui est intéressant de ce récit, c'est que je l'ai trouvé très habilement narré, parce qu'on mêle vraiment l'histoire familiale, donc le stress de cette famille-là qui s'en va à Saigon au moment où ça commence, en fait. Tout le monde fuit, mais eux arrivent, donc ils sont vraiment au cœur des événements. Et il va montrer un portrait aussi de leur histoire, mais non seulement de la grande histoire, donc de cette guerre-là, et où on va comprendre, ou en tout cas à tout le moins, on tente de comprendre les causes de la défaite, puis qui vont être examinées avec une certaine justesse, là, puis du point de vue aussi des vaincus. Puis, donc moi j'ai trouvé que c'était une BD qui était très très bien documentée sur une guerre qui a véritablement marqué toute une génération, là. Donc on apprend beaucoup sur cette guerre-là. Exactement, ça vient compléter dans le fond le regard qu'on porte habituellement là-dessus, ou les connaissances qu'on a, tout le monde la connaît, mais en même temps, qui a pris aussi beaucoup de temps pour lire justement plusieurs ouvrages, etc., pour vraiment se documenter là-dessus. Donc ça offre peut-être un premier portrait pour ceux qui la connaissent moins, ou ça complète le portrait parce que c'est bien recherché. Donc, pour ceux qui la connaissent peut-être un peu plus, justement. Oui, puis on explore un thème notamment, bon, on en explore plusieurs, mais il y en a un qui est récurrent, qui est très intéressant, qui est le mensonge. Donc, les deux camps, l'exploration de la manière dont cette guerre-là a été menée, autant du côté Vietnam que du côté américain, comment les deux leaders, en fait, ennemis, ont menti chacun à leur peuple, quand même, et ont envoyé des dizaines de gens, ben des dizaines, des milliers de gens à une mort certaine, en fait, là. Donc, c'est un regard qui est très intéressant. Puis on a un dessin avec un trait quand même assez simple, assez classique, quelque peu schématisé même, un trait de contour qui est assez omniprésent dans des cases aux couleurs plutôt minimales. On est surtout en duotone, donc souvent soit noir et rouge, noir et bleu, noir et orange, selon la situation qui est donnée. Donc c'est un dessin, comme je disais, simple, mais qui sert très bien le propos de la bande dessinée. Alors ça, c'est une si jolie petite guerre de Marcelino Truong. Anne-Marie Olivier, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et au plaisir. Oui, à bientôt. Thank you. Vous êtes toujours à l'écoute de La Vie en BD ici sur CKRL 89.1, Raymond Poirier au micro. Et on va s'intéresser pour les prochaines minutes à un album qui est arrivé en fin d'année dernière du côté de Mécanique Générale. Il s'agit d'une adaptation d'une nouvelle de Nicolas Gogol, Le Manteau. Donc une belle BD, un bel album, une belle adaptation. Et donc on est bien content d'être en compagnie de son auteur, Bolloné. Bonjour. Oui, allô. Alors, la grande question, en fait, d'emblée, qu'est-ce qui vous a amené à choisir d'adapter une nouvelle, et cette nouvelle-là, en fait, précisément, de Nicolas Gogol? Je me suis toujours intéressé à la BD, évidemment, c'est ce qui m'a amené dans les arts visuels. Et mon côté plus illustratif, disons, manquait un côté plus auteur, et comme j'avais pas vraiment d'amis auteurs, pas vraiment de contact avec ce milieu-là, et ben c'est là qu'est venue mon idée un peu de prendre un texte qui existait déjà et puis de l'illustrer dans le fond. Et puis ce qui arrive, c'est que j'ai tout de suite craqué pour cette nouvelle-là. Je la trouvais déjà très visuelle juste à la lire. Il me venait déjà plein d'idées, alors ça s'est développé tranquillement au cours des années, puis un jour ça a débloqué là. On s'est dit on se lance. Ouais. et parce qu'en même temps c'est ça la nouvelle, il y a quelque chose justement, c'est l'humour noir, un humour très russe aussi. Je veux dire, il y a effectivement quelque chose de particulier qui en sort de ce texte là. Oui, effectivement, certains m'ont dit qu'il l'avait trouvé très triste en fait cette histoire, mais moi elle m'a toujours fait rire énormément, surtout sa façon vraiment vitriolique de se moquer un peu de l'administration, les fonctionnaires, tout ça. Et ouais, c'est ça. Il y a un côté très noir, évidemment, par la finale, mais sinon, j'y vois vraiment beaucoup d'humour. Oui, ben en fait... Ça fait un contraste avec notre vie, disons que ça rend notre vie plus légère. Ben en fait, c'est vraiment aussi que la série et le ton de la série, comme vous le disiez, en fait, évolue aussi au fil de l'album. On commence avec quelque chose qui est plus critique envers le système. On bâtit le personnage, on s'y attache et éventuellement, ben c'est sa déchéance d'une certaine façon. Mais en fait, j'aimerais qu'on fasse du pouce un peu sur ce que vous disiez par rapport à la fonction publique, parce qu'on retrouve dans le fond ce personnage qui est copiste. C'est une fonction qui aujourd'hui n'a plus de sens, mais la bureaucratie dans laquelle il se trouve, même si la nouvelle date de 1840, eh ben elle fait encore résonance à une perception qu'on a de la bureaucratie aujourd'hui, un anonymat absolument qu'on a de la bureaucratie aujourd'hui aussi. Absolument, absolument. Je trouve que à ce niveau-là, c'est universel. On retrouve. Ça m'a fait penser à Kafka. J'ai pas de doute qu'il a lu ça un jour. Et puis Dostoïevski disait que c'était. On sortait tous du manteau de Gogol. Je pense qu'il touche à quelque chose d'universel, quelque chose qui n'a pas beaucoup changé en 200 ans. La bureaucratie, malgré la technologie, la technique, change pas tant que ça. Les outils changent, mais la fonction reste la même. Je trouvais qu'il y avait une possibilité de mettre ça au goût du jour sans être trop décalé là, avec notre époque contemporaine. Et en même temps, l'idée du manteau, je parlais tout à l'heure du cauchemar, de la descente aux enfers, entre guillemets, c'est presque littéral, de ce personnage d'Akaki, mais c'est l'idée aussi, dans le fond, que tout n'est que statut social, tout n'est qu'apparat, et donc que le manteau neuf va changer complètement la perception qu'on a d'un individu. Oui, absolument, c'est pour ça que la grande vedette, c'est le manteau dans ce récit-là. Vraiment, ça va tout changer pour lui. Parce que c'est l'étiquette, c'est le statut social s'exprime à travers son manteau. C'est pas tellement sa position, c'est pas son salaire, c'est vraiment ce que les autres perçoivent de lui. Et s'il bouleverse lui aussi, est-ce qu'il change alors qu'il, dans le fond, on le trouve pathétique quand on le regarde de loin comme ça, un copiste qui se contente de sa position, tout ça, et sans jamais vouloir vraiment faire d'efforts pour progresser. Mais c'est notre perception. Dans le fond, lui, il se plaît dans ce qu'il fait. Les gens se moquent de lui et tout ça, mais lui, en tant que tel, il sent pas le besoin de progresser ou de changer sa vie. Mm-hmm. C'est lorsqu'il achète le manteau lui-même que la perception des autres change, et du fait même, sa propre perception, lui, va se modifier mm-hmm. à ce moment-là. Et ce qui amène aussi, parce que dans la version que vous en offrez en BD, Bologna, c'est je perds mon terme, c'est la personne qui le tailleur, voilà, merci. Le tailleur. J'ai de retrouver mes notes là. Le tailleur, dans le fond, qui amène aussi à Kaki à se procurer ce manteau-là, et c'est un personnage qui est présent dans la nouvelle, mais auquel vous avez donné aussi beaucoup plus d'importance dans la version BD. Oui. Oui, effectivement, il y a d'autres personnages dans la nouvelle qui sont sur lesquels on passe beaucoup plus de temps, que j'ai éliminé, parce que j'aimais cette idée de dualité qui a souvent aussi parce que j'ai pas tellement été influencé par la littérature russe que par deux auteurs, particulièrement Dostoïevski et Gogol. Et puis dans les deux, il y a toujours cette idée de dualité. En deux personnages qui sont, dans le fond, souvent deux facettes de la même personne. Alors, j'ai pris le tailleur, puis j'en ai vraiment fait son espèce d'homonyme, mais complètement à l'opposé, quelqu'un qui est acerbe, qui est déçu par sa vie, ça, mais qui est méchant, mécréant, et qui quelque part va l'influencer, va le pousser à acheter quelque chose qui est, dans le fond, qui est inaccessible pour lui, qui est pas nécessaire non plus. Mmh. Il va se laisser tenter, une tentation du diable, si on veut. Puis c'est pour ça que c'est comme ça que je le percevais dans la nouvelle aussi, parce que de la façon dont il le décrit, il est absolument horrible. Il a des grands pieds, il est un poilu, avec des ongles cornés. Ça, c'est un personnage qui se dessine bien parce qu'il est très caricatural au départ. Ouais, hein. Ouais, c'est jouissif, là. C'est jouissif de dessiner ça. J'ai bâti la BD juste pour pouvoir dessiner. Moi, j'aime beaucoup. Moi, j'ai été influencé par Uderzo, évidemment, puis Gottlieb. Les Européens, c'est toujours dans le beaucoup plus caricatural que le réalisme. Bon, j'ai lu Tintin, tout ça, mais vraiment, c'est le côté plus gros nez, gros traits. Qui m'ont vraiment fasciné quand j'étais plus jeune. Et puis il y a le côté américain que j'ai découvert un peu plus tard aussi avec Mad, Harvey Kurtzman et puis Will Elder. Mm-hmm. Alors évidemment, je voulais m'orienter vers ça en faisant de BD, mettre tout ce qui me passionnait, dans le fond, dessiner tout ce qui me plaisait. Alors, évidemment, ce personnage-là, comme je disais, c'était le personnage parfait pour moi. Oui, et en même temps, on parle de descente aux enfers qui, à un moment donné, nous amène presque dans un tableau de Bosch. Et il y a beaucoup de références aussi à l'intérieur de la BD, outre ce tableau-là. Vous jouez un peu aussi, faites des clins d'œil au lecteur ou à vous-même en tant qu'auteur dans l'album, dans la BD. Oui, oui, oui, absolument. Il s'est truffé de références. J'ai toujours aimé ça dans la BD. C'est un médium qui permet ça beaucoup, le dialogue avec les autres médiums, avec l'histoire, avec le lien avec la littérature, avec le cinéma, avec la culture générale. Et puis, alors, j'ai incorporé tout ça. Il y a des caricatures qui sont inspirées de d'autres personnages du cinéma. Il y a des clins d'œil à des auteurs du 19e siècle. Ça vient enrichir un même peu. Même dans l'architecture, j'ai des clins d'œil à l'architecture russe. En fait, ça vient enrichir l'expérience de lecture dans la mesure où on lit peut-être une première, une deuxième fois pour l'histoire, le dessin, apprécier la vue d'ensemble, puis ensuite on s'amuse un peu avec les références, on profite des clins d'œil. Oui. Je voulais que le lecteur en ait pour son argent, tu sais. qu'il lise, tu sais, ça va vite quand même, une BD, mais qui a envie de revenir, puis que la deuxième lecture, il voit autre chose. Un peu comme dans Astérix, où on en découvre toujours, parce qu'on est à un autre stade de notre vie, on connaît plus de choses, notre culture est plus approfondie, puis là, on fait « Ah! » Ben voyons donc, j'ai jamais vu ça comme ça. Et côté dessin, vous avez choisi d'y aller avec de la gouache et de l'encre. Pourquoi la gouache? Ben j'aimais le côté peinture à l'huile, le côté le côté texturé, peinture à l'huile. Puis en fait, j'ai découvert la gouache en travaillant sur la BD. En fait, tout à fait par hasard. Je me suis rappelé ce qui m'avait j'avais beaucoup aimé dans mes lectures. C'était Harvey Kurtzman, Will Elder, qui ont fait une BD qui s'appelait Little Annie Fanny, qui paraissait dans le Playboy. Et puis je me suis toujours demandé comment il faisait cette BD-là. J'ai trouvé une biographie de Kurtzman. Puis c'est à travers cette lecture-là que j'ai découvert qu'ils utilisaient la gouache. Je n'avais jamais utilisé ça. Moi, pour moi, c'était la peinture à la maternelle. Puis en anglais, ils utilisent le terme watercolors. Il n'y a pas de distinction entre l'aquarelle puis la gouache. Alors, je lisais toujours ça, puis je comprenais pas. Mais comment ils atteignent cet effet qui est presque de peinture à l'huile? Puis j'ai comme allumé, j'ai compris qui différenciait pas le terme. C'est là que j'ai découvert la gouache. Fait que j'ai essayé ça, puis tout de suite, c'était comme si j'en avais toujours fait. Oui, ça donne un côté en fait réaliste à l'album, mais en mettant de l'avant aussi le côté plus caricatural, on dirait que ça amène la balance un peu, puis une texture assez particulière, dans le fond, à votre dessin. C'est pas parfait. Des fois, ça a l'air un peu brouillon, mais en même temps, il y a de la rondeur, il y a de la profondeur. Il y a du contraste parce qu'on peut aller chercher des foncés, des jeux de clair-obscur. C'est vraiment intéressant. Alors, c'est beaucoup de travail, par contre. Oui, en fait, j'imagine que côté dessin puis côté adaptation aussi, je veux dire, c'est un projet qui a mûri longtemps, de ce que j'en ai compris, et c'est un projet qui a dû être assez complexe aussi à réaliser, parce que même si on part d'une nouvelle pour la rendre BD-esque entièrement et la traduire en langage BD, et en plus de la dessiner, c'est quand même un bon mandat, un bon défi que vous étiez donné. Oui, effectivement, ça m'a pris plusieurs années. Et on peut découvrir la résultante, je le rappelle, chez Mécanique Générale. Ça s'appelle Le Manteau, c'est de Bolloné. Et d'ailleurs, en fait, si les gens veulent vous suivre aussi, outre la BD, vous êtes sur Facebook, sur Twitter, c'est Bolloné and Mustard Comics, Cartoons. Mustard and Bolloné, oui. Ouais. Donc, d'autres projets qui s'en viennent un peu avec votre collaborateur Mustard, qui est de Toronto, si je me trompe pas. Oui, c'est ça, exactement. On fait des cartoons... on vise les journaux américains, là, les syndicates vont être un peu distribués partout aux États-Unis. Fait qu'on courtise avec ça, on se bâtit tranquillement une banque de cartoons. Là. Moi, je suis bien fan des cartoons de New Yorker et puis Gary Larson, Peanuts, tout ça. Et puis j'ai rencontré par hasard sur un site de freelance d'illustration, puis il y avait déjà plus de 400 cartoons décrits, puis il cherchait un illustrateur parce que lui il maîtrise pas le crayon, alors ça tombait à point parce que moi je maîtrise pas l'écriture, alors on s'est lancé là-dedans et tranquillement, on espère percer le marché américain. Alors ben, on continuera de surveiller tout ça. Donc je rappelle, il y a Le Manteau chez Mécanique Générale et sinon le Facebook pour voir un peu justement vos expériences en route vers ces possibles publications-là. Bolloné, merci beaucoup. Ben, merci à vous de m'avoir accueilli. Ça me fait plaisir. Au revoir. Au revoir. Alors voilà donc, je rappelle Bolloné, l'auteur de Le Manteau. Et voilà, donc 18h, avant d'aller en pause, petite mention au passage, simplement pour vous dire que vous avez un match de la Ligue québécoise d'impro BD qui aura lieu donc samedi qui vient, demain, le 2 février, c'est au Musée national des beaux-arts du Québec. C'est en collaboration avec la Revengeance des Duchesses, donc il y aura les Duchesses de ce off carnaval qui affronteront des joueurs de la Liqui BD, donc comédiens et dessinateurs. Alors si ça vous intéresse, c'est à 20h, donc je le rappelle, au Musée national des beaux-arts du Québec. Et je vous rappelle également que si vous voulez suivre l'émission La vie en BD, c'est possible de le faire sur Facebook, facebook.com La vie en BD, également sur le blog La vie en bd.wordpress.com. On prend une courte pause. Encore à venir, Olivier Bérard-Vidal et Marco Duchesne. Salut tout le monde, c'est Antoine Graton. Je vous invite le 15 février à l'espace Hyperion pour célébrer avec moi le 40e anniversaire de CKRL, la première radio communautaire francophone au pays. J'offrirai une prestation musicale démoniaque et mon ami Dee sera DJ pour la fin de soirée. Je vous attends. Procurez-vous les billets pour cette soirée retrouvaille au coût de 10$ par PayPal sur notre site ckrl.qc.ca ou à la station au 405 3e Avenue. Venez fêter le 40e anniversaire de CKRL avec nous. Tout juste avant 100% Dynamite, le week-end s'amorce de belle façon dès 18h30 les vendredis avec Jean-Sébastien Grondin et son émission Soulfinger. Ça groove à CKRL 89.1. What the hell is real? Ne manquez pas ce soir à CKRL. De 22h à minuit, du métal plein vos oreilles. Olivier Bercelli anime démentiellement vôtre. À minuit, l'univers sombre du black metal avec Jérôme Bérubé à l'émission Entropie Sonique. Restez branchés. Toujours à l'écoute de La vie en BD, et maintenant on passe à un autre projet, un projet d'Olivier Bérard-Vidal alias OBV, qui sera lancé ce 3 février prochain à 17h à l'espace 721 au 721 3e Avenue, et également à Regard à Lévis le 5 février prochain également à 17h. C'est un projet autour de la communauté sourde de Québec et de la réalité des personnes qui vivent avec une déficience de l'audition. Ça s'appelle Voir, toucher, sentir. Et pour nous présenter tout ça, ben l'auteur est avec nous. Bonjour Olivier Bérard-Vidal. Bonjour. Alors, un projet donc sur les sourds, sur la réalité qu'ils vivent au jour le jour. Pourquoi ce sujet-là? C'est une très bonne question. C'est quelque chose c'est les sourds, la langue des signes, cette réalité-là, c'est quelque chose qui m'intéresse depuis longtemps. J'avais suivi comme ça il y a quelques années un cours de langue des signes, juste parce que c'est une chose qui me fascinait. Puis plus récemment, ben je me suis re-intéressé à ça parce que j'avais l'idée de faire une sorte de résidence, projet, livre sur le sujet. Puis j'avais vu un programme de bourse du Calque pour des projets dans la communauté. Fait que j'ai présenté ce projet-là en me disant ben si ça marche, tant mieux, j'aurai comme des sous pour travailler là-dessus pendant 7 ou 8 mois. Comme j'ai obtenu cette bourse-là, ben j'ai travaillé là-dessus depuis l'été dernier à maintenant. Mm-hmm. Fait que pourquoi? C'est une bonne question. Je sais pas exactement pourquoi. C'est comme on dirait que la surdité, c'est un peu une sorte de handicap un peu ordinaire et très fascinant. Oui. Puis je le sais pas pourquoi. C'est quelque chose qui m'intéresse puis qui me fascine. Puis je me suis dit j'ai envie de creuser ça un peu puis de voir. Puis en creusant, je me suis rendu compte qu'il y avait comme beaucoup de choses à dire, que ça m'intéressait encore plus que je pensais, que c'est... En fait, c'est un sujet en fait qu'on a l'impression peut-être de connaître, d'avoir une idée, mais finalement, on se rend compte en creusant que c'est pas non plus un sujet dont on parle beaucoup de manière générale non plus. Ben oui, c'est ça. C'est une chose qu'on dit souvent par rapport à la surdité, c'est que c'est un handicap invisible. Tu sais, on peut, je pense qu'on croise dans la rue souvent des personnes sourdes, mais on le sait pas. T'sais, quand on croise des gens qui n'ont pas de jambes ou qui sont aveugles, on les remarque tout de suite. Les sourds, moins. Il y a aussi le fait que dans beaucoup de cas, les sourds se mêlent moins aussi aux personnes entendantes. Fait que il y a ça qui est spécial. T'sais, les sourds gestuels parlent une autre langue. Mm-hmm. Oui, finalement, puis, c'est une autre langue, c'est ça. C'est carrément une autre langue. Fait que c'est sûr qu'il y a des sourds qui sont habitués de fréquenter des personnes entendantes, puis qui sont très à l'aise, puis qui vont prendre d'autres moyens que la langue des signes pour communiquer puis se faire comprendre. Mais il y en a aussi certains qui préfèrent vivre qu'en langue des signes, en côtoyant d'autres sourds gestuels. Fait que bon, ben ceux-là, évidemment, on les croise moins dans la rue ou dans les activités de la ville. Et je lisais quelque part, Olivier Bérard-Vidal, quand tu parlais justement de ce projet-là, qu'un des éléments qui t'avait frappé dans tes contacts avec la communauté sourde à Québec, c'était le dynamisme de cette communauté-là. Ben c'est ça. C'est une chose dont je me suis rendu compte. C'est à travers le projet du livre, je me suis dit, bon, qu'est-ce que j'ai à dire? Qu'est-ce que je veux mettre dans le livre? Je me suis dit, quand j'ai vu qu'il y avait autant d'associations, d'organismes, de groupes, de lieux, de rencontres, tout ça, je me suis dit, tout ça, c'est comme quelque chose qui existe un peu parallèlement au monde des entendants, disons. Puis, fait que j'en ai fait un peu une sorte d'inventaire de ce qu'il y avait à Québec. Puis, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de personnes qui travaillent pour les sourds ou les malentendants ou avec eux, autant pour l'alphabétisation que qu'il y ait des lieux de rencontre, tout ça. Fait que c'est quelque chose à quoi je m'attendais pas. Je me disais, des sourds, il y en a, mais ils font un peu leurs affaires dans leur coin. Ben non, c'est vraiment pas. Il y a vraiment comme une culture qui est associé à ça. Il y a des communautés, très, très tricotées, serrées, si on veut. Et pour le projet, pour réaliser, donc voir, toucher, sentir, tu as été passé du temps dans les activités, dans les organismes, avec les gens? Oui, ça, beaucoup de temps, en fait. C'est ça. J'ai passé dans le livre, c'est regroupé en 8 ou 9 sections, qui sont comme 8 ou 9 des lieux ou des activités auxquelles j'ai participé. Quelques exemples qu'on peut donner, c'est, il y a eu une conférence de l'Association des personnes avec une déficience de l'audition. Il y a eu une conférence qui sont données sur les chiens d'aide à l'audition, qui est un peu comme l'équivalent de chiens guides pour personnes aveugles, mm-hmm. mais des chiens d'aide pour les personnes qui sont sourdes ou malentendantes. Moi, je savais pas que ça existait, des chiens pour les personnes sourdes. Puis c'est ça, on dirait que la surdité, des fois, un de mes a priori était un peu tu sais, être sourd, finalement, c'est pas si grave que ça. C'est pas comme on disait, tu peux faire tout ce que tu ferais normalement, mais non, finalement, c'est comme quelque chose qui a tellement de conséquences. C'est comme pour l'apprentissage de la langue, l'apprentissage en général, les contacts. Finalement, quand on y repense un peu, on se dit, mais dans le fond, quelqu'un qui est aveugle, il peut être au milieu de d'autres personnes voyantes, mais il va pouvoir interagir, communiquer, faire des blagues, puis même s'il est aveugle, il sera pas isolé. Il va quand même être au milieu de l'action, puis il va pouvoir y participer. Alors qu'une une personne sourde, qui est au milieu de personnes entendantes, qui communiquent pas en langue des signes, va se sentir très très vite isolé, c'est certain. Oui. Fait comme il y a des choses comme ça qui m'apparaissaient pas évidentes nécessairement, puis je pense que c'est un peu le cas pour beaucoup de monde, quand on n'a pas une personne sourde dans notre entourage ou quand on n'a pas travaillé, dans des endroits où il y en a ou si on n'en connaît pas, des choses qu'on ne sait pas. Puis je me suis rendu compte en travaillant sur le projet, il y a beaucoup de littérature, il y a beaucoup de choses qui ont été écrites, mais sur les sourds, sur les malentendants, tout ça, mais c'est souvent des choses très spécialisées puis assez érudites. Moi, évidemment, je n'avais pas cette ambition-là, je ne suis vraiment pas un spécialiste, mais je me dis, le livre que j'ai fait peut être un premier contact de certaines personnes avec cette réalité-là, puis c'est le fun de montrer. Moi, c'est une chose que j'ai trouvé fascinante, c'est que j'ai fait un livre qui a environ 250 pages, mais il aurait pu en faire vraiment beaucoup plus. Je me suis rendu compte toutes les choses dont je parle pas. Il y aurait plein d'autres choses à montrer puis à dire. Mais bon, je me suis un peu aussi fait à l'idée. Puis je me dis, moi, c'est ça qui m'a interpellé rapidement pendant les mois où j'ai travaillé là-dessus. C'est ça que je vais montrer. Les choses que j'oublie, elles sont pas là, mais ce sont des choses qui peuvent être découvertes puis auxquelles les gens peuvent s'intéresser éventuellement. Déjà, s'ils commencent par lire tout ça, il y a déjà beaucoup d'informations, il y a beaucoup de matériel, il y a déjà beaucoup à connaître puis à apprendre juste dans ce livre-là. Et le passage justement vers le livre, c'est texte, narration, illustration, un métissage un peu de technique? Ben, c'est beaucoup un mélange, c'est ça. C'est sûr que les activités auxquelles j'ai participé, les gens que j'ai rencontrés, ben, moi, j'ai, ma façon de travailler, c'est de souvent prendre des photos pendant les trucs, puis plus tard, après ça, revoir les photos, faire des dessins à partir de ça, puis retravailler, puis après ça, ben, repenser, ah, bon, tel événement, puis prendre des petites notes. Fait qu'il y a, c'est pas exactement de la narration comme une histoire. C'est plus proche peut-être comme d'un documentaire. Mmh. Fait que les différentes sections, ben, c'est un peu comme des moments croqués ou des impressions ou ce qui se passait un peu pendant tel, mettons, un cours d'informatique ou de cuisine au Centre 5 d'Espoir où il y avait une activité de sensibilisation au syndrome de Usher. Ça, c'est des personnes qui sont sourdes, qui c'est une condition que la vue, ils perdent la vue graduellement. Fait qu'éventuellement, ces personnes-là vont être sourdes et aveugles, mmh. Ce qui est vraiment vraiment spécial. Fait que, tu sais, j'ai participé à ça, j'ai pris un peu des notes, puis je raconte un peu ces activités-là, ces moments-là dans la vie de personnes sourdes ou malentendantes. Fait que c'est un peu pour donner comme un petit aperçu de ce que ça peut être. Et toujours à travers tes yeux, à travers ta perspective, un peu, comme on dit en anglais, fly on the wall. Ouais, quelque chose comme ça, exactement. Effectivement, pour répondre à la question, ben, dans le livre, il y a une bonne section qui est comme plus ça, là, BD, dessin, un peu de narration, plus documentaire. Il y a une section aussi qui est plus sur la langue des signes. J'ai comme sélectionné peut-être environ 160 signes que j'ai fait en dessin, des signes que moi je trouvais intéressants parce que j'ai suivi un cours de langue des signes tout l'automne. Mm-hmm. Ben, c'est un premier niveau de cours, fait que c'est un peu comme la base. Puis ça aussi c'est une autre chose comme vraiment intéressante là, comme apprendre ça puis voir comment on intègre cette langue-là différemment d'une langue parlée là. C'est comme un peu le corps qui se rappelle de choses c'est bien intéressant. Fait que il y a une section aussi où il y a des signes, il y a une section aussi où j'ai sélectionné comme une quinzaine de personnes sourdes qui sont connus ou qui ont réalisé des choses importantes dans leur vie ou qui ont comme relevé des défis importants. T'sais, un bon exemple qui est une personne connue, c'est Helen Keller, mm-hmm. qui était une enfant qui était sourde et aveugle depuis la naissance, puis qui a à un moment comme eu un déclic, puis a comme pu avec l'aide d'une professeure ben apprendre à communiquer comme par le tactile, comme par les mains, comme comprendre par juste le toucher des mains des mots, puis qui a fini, puis qui a réussi après à faire des études universitaires. Fait que, il y a plusieurs personnes comme ça dans l'histoire là, qui ont fait des choses extraordinaires, puis qui ont surpassé peut-être comme cette limitation-là qu'ils avaient pour quand même réaliser plein de choses. Alors, en fait, le livre, je le rappelle, c'est « Voir, toucher, sentir », et comme Olivier Bérère-Vidard, tu nous le dis, donc c'est une entrée, une introduction, une découverte de cet univers, de cette communauté-là qui nous est proposée, et on invite le public, évidemment, aux deux lancements, donc à l'espace 721 à Limoilou, ça c'est le 3 février à 17h, c'est au 721 3e avenue, et également vous avez à Regard, donc à Lévis, le 5 février, c'est à 17h également, et sinon, est-ce que c'est un livre qu'on pourra trouver aussi ailleurs pour vente libre? Oui, c'est ça. Après, les gens qui sont pas au lancement, je vais juste corriger, c'est article 721, le nom de la boutique à Limoilou. C'est ça. Ben, il sera disponible effectivement à article 721, probablement aussi à Regard, puis sûrement à Philactère, puis peut-être à Camailleux aussi, là, plus au centre-ville. Ben, Olivier Bérère-Vidal, merci beaucoup. Merci. Et au plaisir. Merci beaucoup. écouter, voilà, dernier extrait de l'album First Crush de Saber Pulse. Et je vous rappelle, vous pouvez trouver cet album-là en téléchargement sur Bandcamp. Et pour terminer l'émission en beauté, ben, on est maintenant en compagnie de notre collaborateur Marco Duchesne. Bonjour. Salut Raymond. Ça va bien? C'est moi la beauté? Ben oui. Ah ok. Ben c'est ce que je me disais aussi. Et Marco, deux propositions cette semaine. On se lance d'emblée vers le premier titre. On en a un peu parlé de l'ensemble de la série la semaine dernière dans nos coups de cœur. Et cette semaine, on s'intéresse donc à un album précis de cette relecture que nous offre Urban Comics de comics américains. Ah, oui. Et cette fois-ci, c'est Jack Kirby, l'anthologie. Oui, la semaine passée, on a évoqué ce travail d'orfèvre, ce travail extraordinaire qu'a effectué la maison d'édition Urban Comics à traduire et à publier du comic américain, surtout chez DC. Et là, il nous arrive avec, une anthologie, une petite anthologie du plus grand, de l'extraordinaire, du roi des comics, et j'ai nommé Jack Kirby. À partir de ce moment-ci dans la chronique, je ne peux plus être objectif, car pour moi, Jack Kirby est un des plus grands dessinateurs de BD. Avec Hergé, je pense que c'est pour moi les deux maître du comic et de la bande dessinée mondiale. Ben, en fait, il faut dire que c'est d'une manière ou d'une autre, en fait, des inspirations pour tout le monde. Tout le monde en a lu. Voilà. Et tous ceux qui travaillent dans l'industrie en ont lu et s'en sont inspirés d'une manière ou d'une autre. Il est connu comme étant avec Stan Lee, le créateur de Marvel. Mm-hmm. Et il est le créateur, il est le papa de les Fantastic Four, Thor, Iron Man, les X-Men. Il a participé à tous les premiers numéros de ça, les Vengeurs. Mmh. Il a participé à tous les premiers numéros et surtout, il a élaboré l'univers. Il a participé à l'élaboration de l'univers des Marvel. Le livre dont on parle est évidemment autre chose, vu qu'on parle d'une anthologie DC, Detective Comics, de Jack Kirby. Donc, il n'y aura pas de Marvel. Mais on va voir justement d'autres choses, peut-être qu'on connaît un peu moins à certains degrés. Et voilà. Avec l'éditorial qu'on connaît de Urbans, dont on vous a parlé, ce travail de biographe qu'ils font, de livre de référence, eh bien ici, c'est au rendez-vous. On commence d'abord par une extraordinaire préface de Johan Sfar. Et là, waouh, j'aime beaucoup ce que Sfar fait, mais il nous indique que c'est son inspiration de départ, sa référence, son mentor, c'est Jack Kirby. Et là, il parle de qu'est-ce qui l'a influencé. Et effectivement, maintenant que je l'ai lu, je vois les rapprochements. Et il fait un magnifique hommage à Jack Kirby. Ceci étant dit, ceci étant lu, l'ouvrage est réparti et séparé en parties qui correspond au grand passage de Kirby chez DC. La première partie est plus, et chaque partie a une biographie de l'époque. On voit le travail fait sur cette anthologie-là. Donc, la première partie, on évoque ses participations à des magazines comme sur Challenger of the Unknown, sur des titres comme Sandman, sur Adventure Comics. C'est des petites histoires complètes. À chaque période, on évoque une biographie de la chose, de ce passage, mais on y présente un numéro complet où on voit le travail. La première partie, évidemment, est avec Joe Simmons, qui est le co-créateur de, entre autres, Captain America, avec Jack Kirby. Le personnage sera repris chez Marvel dans les années 60, mais on le voit pas, on voit Joe Simmons, la participation. Les deux ont travaillé en symbiose. Ensuite, il y a eu un long moment où, évidemment, Kirby travaille chez Marvel pour revenir à la fin des années 60, au début 70, où là, Jack Kirby revient chez DC et là, il va créer son œuvre la plus majeure, le quatrième monde. The Fourth World. Alors là, le Fourth World est une pléiade de titres comme les Éternels, comme les New Gods, avec un titre qui était un titre associé à Superman, qui s'appelait Jimmy Olsen, qui était le photographe de Donc on fait des ponts, Daily des Planet. Univers, voilà. Là, et là, à chaque numéro, il crée des crossover qu'on appelle là-bas des titres parallèles à une même histoire où là il va créer des mondes parce que Jack Kirby avait une fascination pour tout ce qui était cosmique, galactique chez Marvel. Il y a... On voit bien avec les séries que tu as citées en fait, je veux dire, il y a toujours une référence aux étoiles là-dedans. Tout à fait. Tu sais, moi j'adore les Fantastic Four, c'est le créateur des Fantastic Four avec Stan Lee, mais tout l'aspect Fantastic Four aventurier cosmique parce que c'est des aventuriers, les Fantastic Four, ils ont des bagarres, ils ont des aventures sur la Terre, évidemment, mais les plus belles, c'est dans le cosmos, c'est dans les aventures galactiques. Bon, on le voit bien, en fait, même avec les ennemis emblématiques, justement, des Fantastic Four, mais ça fait souvent référence. Galactus, oui, voilà, c'est ça. C'est ça, et voilà. Alors, l'anthologie, le noyau dur de cette anthologie-là, effectivement, c'est les Fort Worth. Ensuite vient, vers la fin, dernière partie où on y évoque Omak, où on évoque aussi la dernière série majeur qu'il a eu, c'est Kamendi, le dernier garçon sur Terre. On nous explique dans la petite biographie que son éditeur voulait quelque chose qui ressemblait à la planète des singes, alors Kirby se met à sa planche, à sa table de travail et nous crée Kamendi, un garçon humain qui débarque sur une terre dévastée, post-apocalyptique, où là, les animaux sont ont des apparences humaines, comme la planète des singes, ont pris possession de la terre. Et ces aventures vont durer quand même assez longtemps, une quarantaine de numéros, où là, tout en couleur, où l'art de Kirby est à son meilleur, d'après moi, est à son meilleur. Et Marco Duchesne, en fait, dans une anthologie comme ça, ce qui est plaisant, j'imagine, c'est aussi de voir l'évolution dans la technique, dans l'approche. Est-ce que c'est quelque chose qu'on sent? Là, vous allez comprendre que, en regardant cette anthologie, en regardant ces numéros-là, vous allez comprendre pourquoi Jack Kirby est le meilleur. Jack Kirby, c'est celui qui réussit à chorégraphier les combats, à chorégraphier les bagarres, ces poses, nos super-héros sont des super-héros, mais il y a une iconographie, il y a une imagerie du super-héros, les poses qu'ils ont, et grâce à Kirby. Et Kirby, c'est les explosions. Kirby, c'est la technologie. Faut voir les trucs technologiques, les objets technologiques. Ils ont une âme. Écoute, ils font peur. Quand Red Richard débarque avec le New Filer, un espèce d'objet qui fait peur à Galactus, c'est gros comme rien, ça tient dans sa paume. On ne sait pas ce que ça fait, mais ça fait peur. C'est l'arme absolue qui fait peur à Galactus. Et dessiné sous la main, sous le pinceau de Kirby, ben ça a une âme. Voilà pourquoi Jack Kirby est le plus grand. Et voilà pourquoi, si on s'intéresse un peu à ça, si on a envie de ce voyage-là, dans cet univers-là, je recommande fortement, ça s'appelle Anthologie Jack Kirby chez DC, c'est chez Urban Comics en français, et c'est $34.95 pour le volume, vous passerez en librairie voir de quoi ça a de l'air, c'est pas dispendieux et ça vaut la peine et ça donne le goût. Et Marco Duchesne, donc outre l'anthologie de Jack Kirby, il nous reste 2 minutes à l'émission. Ah ouais, c'est le vrai. Le dernier loup de Julien. Ben oui, je sais que t'as une pléiade de chroniqueurs qui avait sûrement le goût et peut-être qu'ils auront le goût d'en parler. Et oui, c'est tout ça, tout juste pour dire que moi, j'ai beaucoup aimé. Même si il y a du changement, même si il y a des drôles d'allures, ce dernier album de Lou. Il y a des choses qui n'ont pas changé. Lou est toujours cette jeune fille charmante qui apprend la vie dans ses relations amoureuses, dans ses relations d'amitié, dans ses relations de travail. Ça me semblait être une série un peu pour jeune fille. Oui, mais elle a évolué. Chaque album, Lou vieillit. Et chaque album, on regarde ça un peu plus sérieusement. La préadolescence, l'adolescent, la jeunesse et tout. Et là, on arrive avec des éléments où, comme je te disais, rien n'a changé. C'est toujours l'apprentissage d'une jeune fille, mais maintenant jeune femme qui apprend la vie avec, comme je disais, dans ses relations amoureuses, travail et tout. Mais là, il y a de drôles de cristaux qui poussent dans la ville. La mère de Lou est sur un projet ultra secret. Et tu vois, tout ce qui était fort sympathique et léger Et là, arrive soudain ce mystère. Et beaucoup des lectrices à la librairie, les collègues, et surtout les filles, aiment beaucoup Lou, ont été un peu désarçonnées de ce changement dans la fiction, dans l'histoire. Moi, j'ai beaucoup aimé. Je vous le dis, si vous voulez, la série est à lire, mais ce dernier numéro, waouh! Ça vient surprendre. Ah oui. Alors ça, c'est Lou 6, L'âge de cristal, c'est de Julien et Neil. Marco Duchesne, on se dit à très bientôt. Ah ben oui. Et ben nous, c'est ainsi qu'on termine l'émission de cette semaine. On se retrouve évidemment la semaine prochaine, toujours de 17h30 à 18h30. Et la semaine prochaine, notamment, une belle rencontre avec Frédéric Gauthier, l'éditeur de La Pastèque. Donc, rencontre éditoriale, pourrait-on dire. Alors, c'est ce qu'on vous propose, entre autres choses, évidemment. Alors, c'était Raymond Poirier au micro. Ça a été un plaisir d'être avec vous ce vendredi. Et je vous souhaite une excellente semaine sur les ondes du 89.1 CKRL.